Qu'est-ce que vous diriez donc s'il vous fallait travailler pour avoir du pain, si vous étiez obligé de vous lever tous les jours à 6 heures du matin pour aller en journée? Il y en a bien qui sont obligés de faire ça, pourtant. Et quand elles deviennent trop vieilles, elles meurent de misère. Jeanne répondait « Songe donc que je suis toute seule, que mon fils m'a abandonnée. » Et Rosalie alors se fâchait furieusement. « En voilà une affaire. Eh bien, et les enfants qui sont au service militaire, et ceux qui vont s'établir en Amérique ?» L'Amérique représentait pour elle un pays vague où l'on va faire fortune et dont on ne revient jamais. Elle continuait. Il y a toujours un moment où il faut se séparer, parce que les vieux et les jeunes ne sont pas faits pour rester ensemble. Et elle concluait d'un ton féroce. Eh bien, qu'est-ce que vous diriez s'il était mort ? Et Jeanne, alors, ne répondait plus rien. Un peu de force lui revint quand l'air s'amollit au premier jour du printemps, mais elle n'employait ce retour d'activité qu'à se jeter de plus en plus dans ses pensées sombres. Comme elle était montée au grenier un matin pour chercher quelque objet, elle ouvrit par hasard une caisse pleine de vieux calendriers. On les avait conservés selon la coutume de certaines gens de campagne. Il lui sembla qu'elle retrouvait les années elles-mêmes de son passé, et elle demeura saisie d'une étrange et confuse émotion devant ce tas de cartons carrés. Elle les prit et les emporta dans la salle en bas. Il y en avait de toutes les tailles, des grands et des petits, et elle se mit à les ranger par année sur la table. Soudain, elle retrouva le premier, celui qu'elle avait apporté au peuple. Elle le contempla longtemps, avec les jours biffés par elle le matin de son départ de Rouen, le lendemain de sa sortie du couvent. Et elle pleura. Elle pleura des larmes mornes et lentes, de pauvres larmes de vieille, en face de sa vie misérable, étalée devant elle sur cette table. Et une idée la saisit, qui fut bientôt une obsession terrible, incessante, acharnée. Elle voulait retrouver presque jour par jour ce qu'elle avait fait. Elle piqua contre les murs sur la tapisserie, l'un après l'autre, ses cartons jaunis, et elle passait des heures en face de l'un ou de l'autre, se demandant « Que m'est-il arrivé ce mois-là » Elle avait marqué de traits les dates mémorables de son histoire, et elle parvenait parfois à retrouver un mois entier, reconstituant un par un, groupant, rattachant l'un à l'autre tous les petits faits qui avaient précédé ou suivi un événement important. Elle réussit, à force d'attention obstinée, d'efforts de mémoire, de volonté concentrée, à rétablir presque entièrement ses 2 premières années au peuple, les souvenirs lointains de sa vie lui revenant avec une facilité singulière et une sorte de relief. Mais les années suivantes lui semblaient se perdre dans un brouillard, se mêler, enjamber l'une sur l'autre, et elle demeurait parfois un temps infini, la tête penchée vers un calendrier, l'esprit tendu sur l'autrefois, sans parvenir même à se rappeler si c'était dans ce carton-là que tel souvenir pouvait être retrouvé. Elle allait de l'un à l'autre autour de la salle qu'entouraient, comme les gravures d'un chemin de la croix, ces tableaux des jours finis. Brusquement, elle arrêtait sa chaise devant l'un d'eux et restait jusqu'à la nuit, immobile, à le regarder, enfoncée en ses recherches. Puis, tout à coup, quand toutes les sèves se réveillèrent sous la chaleur du soleil, quand les récoltes se mirent à pousser par les champs, les arbres à verdir, quand les pommiers dans les cours s'épanouirent comme des boules roses et parfumèrent la plaine, une grande agitation la saisit. Elle ne tenait plus en place. Elle allait et venait, sortait, rentrait 20 fois par jour et vagabondait parfois au loin le long des fermes, s'exaltant dans une sorte de fièvre de regret. La vue d'une marguerite blottie dans une touffe d'herbe, d'un rayon de soleil glissant entre les feuilles, d'une flaque d'eau dans une ornière où se mirait le bleu du ciel, la remuait, la tendrissait, la bouleversait, en lui redonnant des sensations lointaines, comme l'écho de ses émotions de jeune fille quand elle rêvait par la campagne. Elle avait frémi des mêmes secousses, savouré cette douceur et cette griserie troublante des jours tièdes, quand elle attendait l'avenir. Elle retrouvait tout cela maintenant que l'avenir était clos. Elle en jouissait encore dans son cœur, mais elle en souffrait en même temps, comme si la joie éternelle du monde réveillée, en pénétrant sa peau séchée, son sang refroidi, son âme accablée, n'y pouvait plus jeter qu'un charme affaibli et douloureux. Il lui semblait aussi que quelque chose était un peu changé partout autour d'elle. Le soleil devait être un peu moins chaud que dans sa jeunesse, le ciel un peu moins bleu, l'herbe un peu moins verte, et les fleurs, plus pâles et moins odorantes, n'enivraient plus tout à fait autant. Dans certains jours, cependant, un tel bien-être de vie la pénétrait qu'elle se reprenait à rêvasser, à espérer, à attendre. Car peut-on, malgré la rigueur acharnée du sort, ne pas espérer toujours quand il fait beau? Elle allait devant elle pendant des heures et des heures, comme fouettée par l'excitation de son âme. Et parfois, elle s'arrêtait tout à coup et s'asseyait au bord de la route pour réfléchir à des choses tristes. Pourquoi n'avait-elle pas été aimée comme d'autres? Pourquoi n'avait-elle pas même connu les simples bonheurs d'une existence calme? Et parfois encore, elle oubliait un moment qu'elle était vieille, qu'il n'y avait plus rien devant elle, hors quelques ans lugubres et solitaires, que toute sa route était parcourue. Et elle bâtissait, comme jadis, à 16 ans, des projets doux à son cœur. Elle combinait des bouts d'avenir charmants. Puis la dure sensation du réel tombait sur elle. Elle se relevait, courbaturée, comme sous la chute d'un poids qui lui aurait cassé les reins. Et elle reprenait plus lentement le chemin de sa demeure en murmurant « Oh, vieille folle, vieille folle !» Rosalie, maintenant, lui répétait à tout moment « Mais restez donc tranquille, madame. Qu'est-ce que vous avez à vous émouver comme ça ?» Et Jeanne répondait tristement « Que veux-tu ? Je suis comme massacre au dernier jour. » La bonne, un matin, entra plus tôt dans sa chambre et, déposant sur sa table de nuit le bol de café au lait, « Allons, buvez vite. Denis est devant la porte qui nous attend. Nous allons au peuple parce que j'ai affaire là-bas. » Jeanne crut qu'elle allait s'évanouir tant elle se sentit émue, et elle s'habilla en tremblant d'émotion, effarée et défaillante, à la pensée de revoir sa chère maison. Un ciel radieux s'étalait sur le monde, et le bidet, pris de gaieté, faisait parfois un temps de galop. Quand on entra dans la commune d'Étouvent, Jeanne sentit qu'elle respirait avec peine, tant sa poitrine palpitait. Et quand elle aperçut les piliers de briques de la barrière, elle dit à voix basse 2 ou 3 fois, et malgré elle, « Oh, oh !» comme devant les choses qui révolutionnent le cœur. On détella la carriole chez les Couillard, puis pendant que Rosalie et son fils allaient à leurs affaires, les fermiers offrirent à Jeanne de faire un tour au château, les maîtres étant absents, et on lui donna les clés. Elle partit seule, et lorsqu'elle fut devant le vieux manoir du côté de la mer, elle s'arrêta pour le regarder. Rien n'était changé au dehors. Le vaste bâtiment grisâtre avait ce jour-là, sur ses murs ternis, des sourires de soleil. Tous les contrevents étaient clos. Un petit morceau d'une branche morte tomba sur sa robe. Elle leva les yeux. Il venait du platane. Elle s'approcha du gros arbre à la peau lisse et pâle et le caressa de la main comme une bête. Son pied heurta dans l'herbe un morceau de bois pourri. C'était le dernier fragment du banc où elle s'était assise si souvent avec tous les siens, du banc qu'on avait posé le jour même de la première visite de Julien. Alors elle gagna la double porte du vestibule et eut grand-peine à l'ouvrir, la lourde clé rouillée refusant de tourner. La serrure enfin céda avec un dur grincement de ressort et le battant un peu résistant lui-même s'enfonça sous une poussée. Jeanne, tout de suite et presque courant, monta jusqu'à sa chambre. Elle ne la reconnut pas, tapissée d'un papier clair, mais ayant ouvert une fenêtre, elle demeura remuée jusqu'au fond de sa chair devant tout cet horizon tant aimé, le bosquet, les ormes, la lande et la mer semée de voiles brunes qui semblaient immobiles au loin. Alors elle se mit à rôder par la grande demeure vide. Elle regardait sur les murailles des taches familières à ses yeux.

ton fils qui t'aime, Paul. » Jeanne s'affaissa sur une chaise, ayant à peine la force d'appeler Rosalie. Quand la bonne fut là, elles relurent la lettre ensemble, puis demeurèrent silencieuses, l'une en face de l'autre, longtemps. Rosalie enfin parla. « Je vais aller chercher la petite, moi, madame. On ne peut pas la laisser comme ça. » Jeanne répondit « Va, ma fille. » Elles se turent encore, puis la bonne reprit « Mettez votre chapeau, madame, et puis allons à Goderville chez le notaire. Si l'autre va mourir, faut que monsieur Paul l'épouse pour la petite plus tard. » Et Jeanne, sans répondre un mot, mit son chapeau. Une joie profonde et inavouable inondait son cœur. Une joie perfide qu'elle voulait cacher à tout prix. Une de ces joies abominables dont on rougit, mais dont on jouit ardemment dans le secret mystérieux de l'âme. La maîtresse de son fils allait mourir. Le notaire donna à la bonne des indications détaillées qu'elle se fit répéter plusieurs fois, puis, sûre de ne pas commettre d'erreur, elle déclara « Ne craignez rien, je m'en charge maintenant. » Elle partit pour Paris la nuit même. Jeanne passa 2 jours dans un trouble de pensée qui la rendait incapable de réfléchir à rien. Le 3e matin, elle reçut un seul mot de Rosalie annonçant son retour par le train du soir. Rien de plus. Vers 3 heures, elle fit atteler la carriole d'un voisin qui la conduisit à la gare de Beuzeville pour attendre sa servante. Elle restait debout sur le quai, l'œil tendu sur la ligne droite des rails qui fuyaient en se rapprochant là-bas, au bout de l'horizon. De temps en temps, elle regardait l'horloge. Encore 10 minutes. Encore 5 minutes. Encore 2 minutes. Voici l'heure. Rien n'apparaissait sur la voie lointaine. Puis tout à coup, elle aperçut une tache blanche, une fumée, puis au-dessous un point noir qui grandit, accourant à toute vitesse. La grosse machine, enfin, ralentissant sa marche, passa en ronflant devant Jeanne, qui guettait avidement les portières. Plusieurs s'ouvrirent. Des gens descendaient, des paysans en blouse, des fermières avec des paniers, des petits bourgeois en chapeau mou. Enfin, elle aperçut Rosalie qui portait en ses bras une sorte de paquet de linge. Elle voulut aller vers elle, mais elle craignait de tomber tant ses jambes étaient devenues molles. Sa bonne, l'ayant vue, la rejoignit en son air calme ordinaire et elle dit « Bonjour, madame, me v'là revenue, c'est pas sans peine. » Jeanne balbutia « Eh bien ?» Rosalie répondit « Eh bien, elle est morte cette nuit. Ils sont mariés. Voilà la petite. » Et elle tendit l'enfant qu'on ne voyait point dans ses linges. Jeanne la reçut machinalement et elles sortirent de la gare puis montèrent dans la voiture. Rosalie reprit « Monsieur Paul viendra dès l'enterrement fini. Demain, à la même heure, faut croire. » Jeanne murmura « Paul ?» et n'ajouta rien. Le soleil baissait vers l'horizon, inondant de la clarté les plaines verdoyantes, tachées de place en place par l'or des colzas en fleurs et par le sang des coquelicots. Une quiétude infinie planait sur la terre tranquille où germaient les sèves. La carriole allait grand train, le paysan claquant de la langue pour exciter son cheval. Et Jeanne regardait droit devant elle, en l'air, dans le ciel que coupait, comme des fusées, le vol cintré des hirondelles. Et soudain, une tiédeur douce, une chaleur de vie traversant ses robes, gagna ses jambes, pénétra sa chair. C'était la chaleur du petit être qui dormait sur ses genoux. Alors une émotion infinie l'envahit. Elle découvrit brusquement la figure de l'enfant qu'elle n'avait pas encore vue, la fille de son fils. Et comme la frêle créature, frappée par la lumière vive, ouvrait ses yeux bleus en remuant la bouche, Jeanne se mit à l'embrasser furieusement, la soulevant dans ses bras, la criblant de baisers. Mais Rosalie, contente et bourrue, l'arrêta. « Voyons, voyons, madame Jeanne, finissez, vous allez la faire crier. » Puis elle ajouta, répondant sans doute à sa propre pensée, « La vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit.